aux enfants du 20e siècle, à toutes ces catastrophes confondues. La première en date du début du siècle, avec toutes ces années perdues, toutes ces âmes perdues. FRG raconte Titanic. Gertz ein Titanic. C'est pour vous, mes chers enfants. Écoutez cette histoire tragique. Yeah. Voici arrivé de nouveau un événement épouvantable et terrible. Un de ceux qui n'est pas plus arrivé depuis longtemps ici-bas. Un navire appelé Titanic, allant d'Angleterre en Amérique. C'est abîmé corps et âme, il y a maintenant quelques jours, quelques années, presque un siècle. Le Titanic était le plus grand navire, construit jusqu'à maintenant, flambant neuf et très très beau. Comme une forteresse sur mer à voir, fait entièrement fer et d'acier. Personne n'aurait pensé qu'en vérité, qu'à son bord, il risquait de perdre sa vie à tout moment. Mais hélas, pauvres gens, bien que nous fassions chaque jour de notre mieux, la mer prend toujours le dessus par surprise. Le grand navire, Titanic, faisait son premier voyage, effilé léger et gracieux à travers les grandes vagues de la mer. Le 14 avril, le navire, comme un coup de vent, cogna soudain en pleine nuit sur un iceberg haut et large se dressant sur 60 pieds, envoyé sur la route des navires de loin par le mauvais temps. Sur la vitesse du navire, la proue s'ouvrit et l'eau alla rapidement bouillonnant au milieu du navire. Les pauvres gens tombent alors brutalement et cherchent de tous côtés sur le pont. Inquiets, hommes et femmes se demandent ce qui s'est passé. Alors le commandant, pour les rassurer, vient les voir. Il leur dit, n'ayez pas peur, mais n'ayez pas peur au nom de Dieu, mais enfilez vite vos gilets de sauvetage, enfilez vite vos gilets, et larguez vite les canots, et que dedans descendent les enfants et les femmes, n'ayez pas peur, faites votre devoir, chacun au milieu du danger, montrez que vous êtes des hommes courageux, qui savent voir la mort sans peur, cela s'est passé comme il l'a dit, chacun avec une grande force, fait son devoir sans trembler, jusqu'à la dernière minute, les canots de sauvetage étaient chargés d'enfants et de femmes, et près de 600 ou plus purent partir comme cela. Yeah. Mais hélas, il n'y a plus de canot, et le navire s'enfonce de plus en plus dans l'eau profonde. De plus en plus dans l'eau profonde. 1600 personnes sont encore à bord, cherchant et demandant secours vers le ciel, vers la mer. Mais le navire le plus proche est à 60 lieues d'eux, celui-ci est appelé Carpathia. Il vient aussitôt à grande vitesse à leur secours, mais il ne peut pas faire plus de 7 lieues à l'heure à travers des icebergs. Les pauvres gens tiennent quand même, espérant tous jours d'être secourus avant que n'aille le grand navire dans la mer qui est sous eux. Soudain, rapidement, après 2 heures, l'arrière du navire se dresse brutalement et il s'enfonce en bouillonnant. Oh, l'horrible, épouvantable chose que l'on n'ait jamais entendue dans ce monde. Sous la mer s'éleva alors une terrible cri de frayeur. Le cri de frayeur, elle est pleine de 1600 personnes cherchant à se maintenir dans l'eau glacée et en appelant tous ensemble pour qu'on vienne à les secourir. Mais dans l'eau, pendant 3 heures de temps, comme on l'a entendu dire, en pleine nuit, en pleine mer, les pauvres gens demandant de l'aide, mais ils ont beau appeler, maintenant ils doivent mourir, noyés ou gelés. Hélas, pour eux, tous l'un après l'autre, ceux qui s'étaient enfuis dans un canot, leur cœur frémissent et en leur manque. En entendant les cris et les plaintes qui s'élèvent, les plaintes effrayantes et terribles des leurs, car beaucoup d'entre eux avaient laissé un père, un fils ou un mari sur le navire, pensant pour eux qu'ils seraient secourus à leur tour. Mais quand arriva sur les lieux du naufrage, le Carpathia, quelle horreur, la mer partout était remplie des corps, des noyés. Mais il a fallu au marais repêcher les noyés en espérant de récupérer ceux qui étaient encore en vie. C'est dur, je le sais, mais voilà ce qui s'est passé lors de cette nuit du 14 avril au 15 avril. Combien de corps gelés restants abaillotés et maintenus sur la crête des vagues par leur ceinture de sauvetage. Il fallait laisser comme cela pendant 3 ou 4 jours, envoyer les chercher et les récupérer. Le monde entier était comme absourdi en entendant ce qui s'était arrivé et verse les larmes de la tristesse. En mer comme sur terre, le monde pleure les morts du Titanic.